tu pourrais me dire que tu as tout, tout ce que j'attendais en soufflant sur mon cou. Emmène-moi en balade le long des quais ou en forêt. Tu pourrais me rendre malade en un mot, tu pourrais. Le ciel serait d'accord, il aime les choses simples. Derrière un sentiment se cachent les grands hommes. Emmène-moi.